l'Edoardo Niro Redan. C'est être généreuse. Elle me laisse voir que nous vous espérez davantage sur son père et la tout pouvoir. Et j'accompte des ailes où sa beauté l'engage. L'ordre que vous montrez et lui faire la cour. Ignorez-vous d'un père où va le tendre amour. Jusqu'au trépas. Et de triste sourcils, superbo partulo mai no, chi sorevo tra ieri la tenereo, ar sobrio a tusci sono vim, se si non appari, surpri, nuveriosa pavada pronte pisidi, s'il si soit vous en faisiez le prix. Vous le voulez, je la donne sans peine, mais du ciel l'irrité, quel que soit. Songez-vous à la rage ou la maîtresse au désespoir? Je sais la grandeur de l'outrage, je monte à la voix qui m'engage et vois tout ce que je dois voir. Mais un fier ascendant a servi mon courage. En vain, je cherche à n'y point consentir. C'est le sort qui décide, je rougis, je me hais d'être ingrat et perfide, et je ne puis m'en garantir. Oh, ce que peut m'aider, oserais-je vous dire que vous ne seriez trop redouté sans courroux? Sur votre âme encore, la gloire qu'elle compile, voyez ce qu'elle veut de vous. Que me peut demander la gloire? Oh, l'amour, c'est l'ennui, le maître de mon cœur. Dans le triste combat, nous si j'ose la gloire, avantage. Thank you. l'allégresse enseignée peut-être plus grande. Mon peuple voit en nous et son secours promis doit étonner nos ennemis. Rendons-lui les honneurs que son rang. Qu'il éclate, que si sa présence vous flatte, vous cherchez plus en lui le guerrier que la mort. J'y fais naître votre espérance. Aimez, persévérez, mais au route s'avance. Mars, pour y voler.